Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 5 février, nous souhaitons une bonne fête aux Agathes. Ça vient du grec signifiant bonté, gentillesse. Agathe possède une nature sensible, même si elle ne montre pas toujours ses émotions. Éprise d'équilibre et d'harmonie, c'est une esthète. Souvent marquée par la famille, elle peut vivre cette empreinte familiale dans le bon sens comme dans le mauvais. Elle n'est pas dépourvue d'une certaine force intérieure qui la rend efficace face aux dures réalités de la vie, ne manquant pas de sens pratique, friande d'indépendance et capable de prendre des responsabilités, elle est ambitieuse et montre une grande confiance en elle-même. Dicton du jour à la Sainte Agathe, si l'eau court dans le ruisseau, le lait, où ne s'en faudra guère, coulera dans la chaudière. À Sainte Agathe, va à ta vigne, si ce n'est pour y travailler, au moins pour y déjeuner. Pour la Sainte Agathe, chante l'alouette. Pour la Sainte Agathe, plante ton oignon, fût-il dans la glace, il devient bon. La Sainte Agathe, l'hiver se hâte. Et on termine avec un dicton des Deux-Sèvres qui dit « Si tu sèmes tes poireaux à la Sainte Agathe, pour un brin, t'en auras quatre. » Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale d'une célèbre pâte à tartiner à base de noisettes. Et au Mexique, c'est la célébration de la proclamation de la Constitution. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 5 février en 1914, c'était l'apparition du personnage de Charlot, interprété par Charlie Chaplin. En 1924, c'était la fin des premiers Jeux Olympiques d'hiver qui avaient lieu à Chamonix. Et en 1953, c'était la réalisation de Peter Pan de Walt Disney. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec les Guns N' Roses et leur titre, leur tube, Knockin' on Heaven's Door. les Guns N' Roses de bon matin sur RGM. Ça y est, ça nous a donné la patate. Il est 8h38. On parle à anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 février 1936. Naissance de Claude Giraud, acteur français de doublage, qui a été entre autres la voix française régulière de Robert Redford, de Tommy Lee Jones, Alan Rickman ou encore Liam Neeson. 1941, naissance de David Selby, acteur américain connu pour son rôle de Richard Channing dans la série télé Falcon Crest. 1943, naissance de Michael Mann, réalisateur producteur américain, réalisateur du film Le Sixième Sens, réalisateur et producteur du film Le Dernier des Mohicans, Heat, Ali, Collateral, Miami Vice, Deux flics à Miami, Public Enemies, producteur de Aviator ou encore Hancock. 1946, naissance de Charlotte Rampling, actrice britannique vue dans Spy Game, jeu d'espion, Embrassez qui vous voudrez, Basic Instinct 2 dans le rôle du docteur Milena Gardoche, Babylon AD, le bal des actrices, Melancholia, Assassin's Creed, la série télé Dexter dans le rôle d'Evelyn Vogel ou encore Broadchurch dans le rôle de Jocelyn Knight. 1948, naissance de Barbara Hershey, actrice américaine vue dans Anna et ses sœurs dans le rôle de Lee, Black Swan dans le rôle d'Erica Sayers, Insidious 1 et 2 dans le rôle de Lorraine Lambert, à la télé dans La Famille Carver dans le rôle de Jenny Carver ou encore dans Once Upon a Time dans le rôle de Cora et le rôle de la reine de cœur du Pays des Merveilles. 1954, naissance de Dominique Besnéard, acteur français vu dans Un Indien dans la ville dans le rôle de Maître Dong, La Cité de la Peur, Pédale Douce, Didier, Podium, Mince Alors ou encore Casse-Tête Chinois. C'est également l'année de naissance de Guy Noves, ancien joueur de rugby français devenu entraîneur, joueur de 1975 à 88 en jouant au Stade Toulousain. Il a été entraîneur ensuite de 88 à 90 du Stade Toulousain, de 91 à 92 du club de Blagnac, de 93 à 2015 l'entraîneur du Stade Toulousain, de 2016 à 2017 le sélectionneur de l'équipe de France. Et avec 10 titres de champion de France et 4 titres de champion d'Europe, il est l'entraîneur français le plus titré. 1962, naissance de Jennifer Jason Leigh, actrice américaine vue dans Shortcuts, dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino dans le rôle de Daisy Domergue, ou encore la série télé Weeds dans le rôle de Jill Price Grey. 1963, naissance de Philippe Rosier, cavalier de saut d'obstacle français, champion olympique de saut d'obstacle par équipe au JO d'été de 2016, 40 ans après son père Marcel Rosier. 1964, naissance de Laura Linney, actrice américaine vue dans The Truman Show, Mystic River de Clint Eastwood dans le rôle d'Annabeth Markham, Love Actually dans le rôle de Sarah, dans Sully de Clint Eastwood dans le rôle de Laurie Sullenberger. C'est également l'année de naissance de Duff McKagan, bassiste du groupe Guns N' Roses. 1966, naissance d'Olivia Adriaco, animatrice télé française. 1969, naissance de Bobby Brown, chanteur américain, célèbre pour avoir composé et chanté le thème phare du film SOS Phantom 2, qu'on va écouter tout de suite un petit extrait, et connu également pour sa relation très tumultueuse avec Whitney Houston. Donc on écoute tout de suite un extrait du titre On Our Own. Pas facile à dire. Too hot to handle, too cold to hold. They called the Ghostbusters and the end control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while the slime was under the building. So they packed up, regrouped, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs on the back, then they split. Found out about Beagle, the master of evil. Try to battle my boys, that's not legal. Gonna be another one of those funky ones. Heart, soul, dance. If I was you and you were me, you're gonna be winning. If they want something better, you gotta wanna give your all. Cause I believe so much in we, and no, we're not kidding. If you feel the same as me, you're voilà pour l'extrait de Bobby Brown. On reste en 1969 avec la naissance de Michael Sheen, acteur gallois, vu dans Othello, Oscar Wilde dans le rôle de Ruby Ross, Underworld 1, 2 et 3 dans le rôle de Lucian, Twilight chapitre 2 et 4, partie 1 et partie 2 dans le rôle de Arrow. 1971, naissance de Sarah Evans, chanteuse américaine, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Perfect. in a sexy negligee is alright. Voilà pour l'extrait de Sarah Vance. On continue. 1979, naissance de Blacko, chanteur français. 1980, naissance de Kamel le magicien, prestidigitateur français. 1981, naissance de Sarah Foster, actrice américaine, vue dans Preuve à l'appui. Ou encore la série Beverly Hills Nouvelle Génération dans le rôle de Jen Clark. C'est également l'année naissance de Julie Zenati, chanteuse française découverte dans le rôle de Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris et qui depuis mène une carrière en solo à succès. 1982, naissance de Flavia Pennetta, ancienne joueuse de tennis italienne ayant fait carrière de 2000 à 2015, qui a été numéro 6 mondial en simple en 2015, qui a gagné une fois l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie, huitième de finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon. En double, elle a été numéro 1 mondial, c'était en 2016. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie, deux fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros. Elle a remporté également 4 Fed Cup, c'était en 2006, 2009, 2010 et 2013. 1984, naissance de Mister You, rappeur français, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Je regarde en l'air. Regrette rien, ni me joigne, ni mes tristesses là. Je t'en vois, c'est vu, je galère, je regarde en l'air. Je traîne, cogite et je repense à toi, yes. J'ai l'air d'un con, je me sens totalement du père. Moi qui m'étais, j'aurais donné mieux que ma mère. Un jour je t'ai offert un bouquet de fleurs. Tu m'as dit il est beau mais pas autant qu'un humeur. Je t'ai dit hé oh l'argent ne fait pas le bonheur. Tu m'as dit ouais non mais je fais pas non plus le malheur. Le passé sa mère mais les souvenirs ça reste. Voilà pour l'extrait de Mister You. Allez, on continue. 1985, naissance de Tatiana Silva, présentatrice belge ayant participé à la 8e saison de Danse avec les Stars. C'est également l'année de naissance de Cristiano Ronaldo, joueur de foot portugais qui de 2002 à 2003 joue au Sporting Portugal, de 2003 à 2009 à Manchester United, de 2009 à 2018 au Real Madrid et depuis 2018 cette saison et il joue à la Juventus de Turin. Ballon d'or à 5 reprises, pardon. En 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017, auteur de plus de 670 buts en carrière, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du Derby madrilène, de la Coupe du Monde, des clubs, de la FIFA, de la sélection portugaise. Premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises, il est également le co-meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations avec Michel Platini et détient depuis le 20 juin 2018 le record de buts pour un joueur européen en équipe nationale avec 85 réalisation. Rien que ça. 1986, naissance de Louis Picamoles, joueur de rugby à 15 français, qui de 2004 à 2009 a joué à Montpellier, de 2009 à 2016 au Stade Toulousain, de 2016 à 2017 à Northampton et depuis 2017, il joue à Montpellier. 1987, naissance de Darren Criss, acteur, chanteur américain, découvert dans la série Glee, dans le rôle de Blaine Anderson, vu récemment dans les séries Supergirl et Flash, dans le rôle de Music Meister. Et on écoute tout de suite un extrait du titre Teenage Dream qu'il a repris donc dans la série Glee. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my walls come down. Down. Before you met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life, now every February you'll be my Valentine. Valentine, let's go all the way tonight. No regrets, just love. Until we die, you and I will be young forever. You make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. Voilà pour

Et on commence avec du tennis, le tournoi de Montpellier, la qualification de Nicolas Mahut en 2-7 face à Vatutin, 6-4, 6-4, l'élimination de Alice en 2-7 face à Bagdatis, 6-2, 6-3, Tsonga s'est imposé en 3-7 face à Humbert, 3-6, 7-6, 6-4, Jérémy Chardy et Ouang se sont tous deux qualifiés en 2-7. Ouang affrontera aujourd'hui Darcis, Mahut affrontera Krajinovic, Benoît Paire se repose à Donskoy et Herbert à Kudla. Et à Sofia, aujourd'hui c'est l'entrée en compétition de Gaël Monfils qui affrontera Troïki et Manarino lui affrontera Madden. Un mot de basket en NBA, cette nuit l'équipe de Washington de Miami à 5 points s'est inclinée 129 à 137 face à l'équipe d'Atlanta et l'équipe de Phoenix de Okobo à 2 points, 3 assistances et 2 rebonds s'est inclinée 110 à 118 face à l'équipe de Houston. Et on termine cette actualité avec du football, tout d'abord en Ligue 1, ce soir Marseille reçoit Bordeaux et ce sont les 8e de finale de la Coupe de France. Le club de Croix de National 2 reçoit le club de Ligue 1 Dijon, Metz reçoit Orléans, Nantes affronte Toulouse et le SC Bastia club de National 3 reçoit ce soir le club de Caen, club de Ligue 1. Voilà pour l'actualité sportive, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Julie Zenati et son titre « Si je m'en sors ». D'un trop long combat, dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit. Je n'en saurais jamais trop sûr, de vous à moi, je ne sais pas. Mais si être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessure. Sans vous je n'existerai pas, sans vous je ne me connais pas. De cette histoire, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a rien à regretter. Quelques silences au fond de moi, il y a des silences et c'est comme ça. Et si je m'en sors, semble encore être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle. Si je